Chapitre 5e. De Saint-Pierre aux eaux thermales de Sillaos. Saint-Pierre, où je m'arrêtais quelques jours, est une des villes les plus agréables de Bourbon. Dans ses rues bien pavées courent d'abondants ruisseaux à l'eau limpide. Çà et là, de belles maisons déroulent leurs élégantes varangues au milieu de jardins bien entretenus. L'air est vif et frais, le vent souffle presque tous les jours, et les habitants du pays, les Saint-Pierrois, pour les appeler de leur nom créole, empruntent à ce climat une activité, une énergie qui leur sont propres et qui les fait aisément reconnaître par toute la Réunion. Saint-Pierre est l'antipode de Saint-Paul, et tandis que les négociants Saint-Pierrois, à la suite de nombreuses démarches, ont obtenu l'autorisation de creuser un port et reçu des subsides du gouvernement métropolitain et colonial, les apathiques Saint-Paulois en sont encore à demander la même faveur et à s'apercevoir qu'ils n'ont rien obtenu. Pendant le peu de temps que je passais à Saint-Pierre, j'aimais à me rendre le matin sur les jetées, et de là je jouissais tout à l'aise du splendide panorama qui se déroulait à ma vue. Sur le rivage se dresse le mât de pavillon, et plus loin la ville, coquettement cachée au milieu des arbres de ses jardins, laisse à peine apercevoir quelques-unes de ses maisons. À l'horizon, sur le dernier plan, les gorges profondes de l'entre-deux, le grand Bénard, terminé comme un promontoire à pic, les trois Salazes, aux cimes dentelées, et enfin le Piton des Neiges, le géant de l'île, se dessinent successivement. On dirait une ligne uniforme de montagnes, une chaîne continue de porphyre et de granit. Les teintes sont heureusement variées, mêlées de bleu et de rose. Il faut choisir le matin pour jouir de ce grand spectacle, car dès que le soleil passe au zénith, des nuées blanchâtres s'étendent comme un rideau et, montant lentement le long de ces montagnes abruptes, finissent par les cacher tout à fait. À droite est la plaine des Cafres, et derrière elle, la plaine des Palmistes. Une route transversale, reliant Saint-Benoît à Saint-Pierre, les recoupe dans toute leur longueur. La plaine des Cafres est devenue depuis quelques années le pays des paisibles et de l'élève du bétail. On y fabrique du fromage et du beurre comme en Suisse et en Normandie, et au milieu de ces vertes prairies, l'on peut s'abreuver de lait. Les bondons qu'on y confectionne ne craindraient pas d'entrer en concurrence avec ceux de Neuchâtel, et les légumes, surtout les pommes de terre, y sont de première qualité. J'avais à choisir entre une excursion vers ces vastes campagnes ou une tournée aux eaux thermales de Sillaos. Ce cirque, opposé à celui de Salazie, est beaucoup plus pittoresque. Il m'apparaissait de Saint-Pierre, s'étendant au pied des Salazes, du Gros Morne et du Piton des Neiges. Je me décidai à en faire l'ascension, et je partis à pied un matin avec un guide pour porter mon bagage. Les créoles montent d'ordinaire en chaise à porteurs. C'était là un mode de locomotion qui répugnait à ma qualité d'Européen, et surtout de touriste géologue. Quelques-uns, plus hardis, font cette excursion à cheval, mais le chemin est en précipice tout le long du parcours, et je jugeais prudent de le connaître avant d'enfourcher une monture. En somme, 40 kilomètres de route, plus une différence de niveau d'1 kilomètre en hauteur, ne me parurent pas composer les éléments d'une trop fatigante journée de marche. Le chemin n'offre rien de particulier, si ce n'est les champs de canne plantureux qui s'étendent au loin par toute la plaine. À partir de la rivière, la route se resserre entre deux montagnes à pic, couronnées de bois jusqu'à leur cime. On entre dans ce qu'on nomme le Céré. Je passais sur des poutres branlantes le bras ou torrent de Sillaos. Je traversais de verts bosquets plantés de bois noirs et de tamarins. Des caféiers végétaient sous leurs frais ombrages. Ils étaient couverts de leurs baies rouges ressemblant à de petites cerises. Cette gracieuse oasis forme ce qu'on nomme une îlette. Bientôt la route s'élève suspendue au flanc d'une montagne abrupte. On rencontre quelques tunnels, puis la voie descend vers le bras de Sillaos, que l'on franchit pour la troisième fois. Ce point, appelé pavillon, marque la première étape. Il est à moitié chemin. Quelques cabanes perdues au milieu des bois, quelques maigres jardins, où l'on cultive surtout du maïs, des courges et des haricots, m'étaient apparus par moments. C'est là que se réfugient les petits blancs, descendants non mêlés des premiers colons de Bourbon. Devenus farouches à force de vivre isolés, ils aiment mieux cacher leur oisiveté et leur pauvreté dans la solitude que d'habiter la ville où il faudrait travailler tout le jour et se voir confondus avec les noirs et les mulâtres. Ces petits blancs, ainsi que les gentillâtres campagnards, ont de l'orgueil à leur manière, mais la faim fait sortir le loup du bois, et peu à peu les petits créoles, comme on les appelle encore, consentent à s'apprivoiser et à quitter les hauts pour descendre dans les bas, c'est-à-dire dans la plaine. Du pavillon, la route de Cilaos ne tarde pas à s'élever sur une rampe très rapide. On traverse un dernier tunnel et on arrive au point dit le Cap Noir, le plus difficile de la route. On a peine à concevoir comment on a pu ainsi suspendre un chemin sur l'abîme. Que l'on jette les yeux au-dessus de soi ou que l'on regarde au-dessous, on demeure saisi d'étonnement et il est bon de n'être pas sujet au vertige. À peine eus-je franchi le Cap Noir que le cirque de Cilaos, semblable à un immense cratère, commença à se profiler sur le dernier plan de l'horizon. Le Grand Bénard, les Trois Salazes, le Grand Morne et le Piton des Neiges se dessinaient à la fois, portant jusqu'à une hauteur de plus de 3000 mètres leur cime dénudée. Ému d'un aussi imposant spectacle, je m'arrêtai. La teinte d'un noir violacé qu'affectait, à la lumière du soleil, les roches basaltiques qui composent ces gigantesques masses, tranchait sur la couleur bleue du ciel. Par moments, quelques nuages blanchâtres apparaissaient tout à coup et s'élevant peu à peu le long de ces hautes montagnes, s'arrêtaient à mi-chemin comme retenus par une sorte d'attraction électrique. À côté de moi, des pics isolés, aux formes tourmentées, originales, le Piton de Sucre, le Bonnet de Prêtre, dominaient la route de toute leur élévation et semblaient prêts à perdre l'équilibre et à me couvrir de leurs débris. Ces gigantesques pyramides, plantées là par la main de Dieu, proclament les œuvres solennelles du Créateur. On dirait des sentinelles avancées commises dès l'origine des temps à la garde de ces montagnes. La gorge au fond de laquelle coule le bras de Cilaos que je suivais depuis le commencement de ma route se resserre ici tout à coup. Les défilés disparaissent cachés dans les rochers. Aucune issue ne semble ouverte et quand le bras de Benjoin, de Bras Rouge et celui de Saint-Paul viennent par leur commune réunion former le bras de Cilaos, on se demande d'où sortent ces trois cours d'eau tant le lit dans lequel chacun coule est étroit. La route qui mène aux sources thermales suit d'abord le bras de Benjoin. Au point où on le traverse, c'est une cascade aussi haute que celle du Niagara et dont l'eau, dans sa chute, laisse aller au vent une poussière liquide que les rayons du soleil colorent comme un arc-en-ciel. À peine eus-je traversé le torrent que je rencontrai quelques chalets. À la hauteur que j'avais atteinte, les fraisiers et les framboisiers viennent naturellement. Et dans les champs défrichés, les petits créoles récoltent la plupart des légumes d'Europe, les petits pois, les lentilles, les haricots et les pommes de terre, qui jouissent dans ces parages d'un renom bien mérité. On se livre aussi sur ce point à la culture de quelques arbres fruitiers de nos contrées, tels que le pêcher, le poirier et l'abricotier. Mais dans les bois, on ne rencontre encore que des essences tropicales, le bois rouge, le bois blanc, le café marron ou sauvage, etc. Je m'engageai dans la forêt, puis je traversai l'îlette des étangs et j'arrivai enfin à Cilaos. L'air était si vif et humide. La vapeur d'eau qui s'était formée pendant le jour se condensait dans l'air en un épais brouillard à l'approche de la nuit. Je fis allumer un grand feu et pendant que l'on mettait en ordre la cabane qui m'avait été offerte, je descendis vers les sources thermales pour prendre un bain avant le souper. Depuis 2 mois que j'étais à la Réunion, les colons m'avaient maintes fois parlé des eaux minérales de Cilaos. Suivant eux, on sortait rajeuni de ces bains, et nulle jouissance au monde n'était plus douce que de se plonger dans cette fontaine de jouvence. Je faisais, en écoutant ces récits, la part de l'exagération et du patriotisme créole, et je n'étais que médiocrement convaincu. Mais, arrivé à Cilaos, je fus bien obligé de me rendre à l'évidence et de confesser à mon tour l'étonnant effet de ces eaux. Que le lecteur se figure une baignoire naturelle creusée dans le sol. Le fond est de menu gravier, les bords sont formés de grosses dalles et vers l'entrée sous l'eau est une large pierre sur laquelle on s'assied. La place est vaste. Des familles tout entières peuvent entrer dans le bassin et s'y mouvoir en toute liberté. Chaque baignoire est recouverte d'un toit illimité par des cloisons de paille. Une chaise ou plutôt un escabeau de bois et une barre transversale servent à déposer les habits et la porte est fermée au moyen d'un rideau que doit apporter le baigneur. Ces dispositions, bien que d'une simplicité toute primitive, ne laissent pas d'être fort originales. Les eaux sourdent dans le bain et s'en vont par un déversoir qui laisse écouler le trop-plein. L'eau est donc toujours renouvelée et toujours à la même température, et cette température est la plus agréable que puisse présenter un bain, c'est celle de 37 degrés centigrades, c'est-à-dire précisément celle de la chaleur du corps. À mesure que l'eau arrive dans la baignoire s'échappant de dessous le sol, on éprouve un indescriptible bien-être. Je sentais tout autour de ma poitrine les filets d'eau minérale qui glissaient comme une douche salutaire, et entre tous mes membres montaient les bulles de gaz qui me caressaient comme autant de serpents. On est vivifié, rajeuni, comme le prétendent les créoles, par l'un de ces bains bienfaisants. Ceux qui montent à pied à Sillaos ne connaissent pas de meilleur moyen de se délasser de leur fatigue. On peut d'ailleurs rester impunément plusieurs heures dans la baignoire, et quelques-uns y passent la nuit. Voilà ce que j'ai vu et éprouvé, et je puis dire aux incrédules « experto crede ». Les eaux de Sillaos, comme celles de Salazie, sont alcalines, ferrugineuses et gazeuses. Elles ont une saveur aigrelette un peu métallique. Elles sont très bonnes à boire pendant les repas. Une source d'eau minérale fraîche sort de terre à côté des sources chaudes, et c'est à celle-là que l'on puise de préférence pour boire. On réserve la seconde pour les bains. Ces eaux sont très efficaces dans les maladies de foie et d'estomac. Elles sont plus riches en principes minéraux et plus chaudes que celles de Salazie. Mais ces dernières sont plus facilement accessibles et plus voisines de Saint-Denis, ce qui fait leur succès. Quant à la thermalité de ces sources et à leur composition chimique, elles sont suffisamment expliquées par le voisinage d'un volcan en activité et la nature du sol que les sources traversent. Je n'étais pas monté seulement à Sillaos pour prendre un bain d'eau minérale. Il existait, dit-on, dans les environs des filonrifères très riches et très puissants. La Californie n'était rien à côté de Bourbon, et à en croire un créole, 100 000 mineurs travaillant pendant 100 000 ans, ce sont ses propres expressions, effleuraient à peine le gisement qui venait d'être découvert. Deux chasseurs de cabris, deux de ces hardis passeurs de remparts, dont la race se perpétue à Bourbon, tandis que celle des cabris ou chèvres sauvages disparaît tous les jours, consentirent à m'accompagner sur le nouvel Eldorado. Ils avaient nom prudent et boyé. Le premier, par leur infatigable, causant peu de tout et de beaucoup d'autres choses encore, ayant navigué, vu l'Inde et l'Europe, et portant par antiphrase sans doute le nom que lui avait donné l'état civil. Le second, froid, calme, impassible, n'ayant jamais quitté l'île Bourbon où il était né, mais solide au poste, comme on dit, et gravissant du pied les plus hautes montagnes, les pics les plus ardus. Tous deux, beaux hommes, secs et nerveux, et porteurs d'une barbe noire à rendre jaloux un sapeur. Nous sortîmes de Sillaos et nous nous enfonçâmes dans les bois. De temps en temps, Prudence se plaisait à signaler notre marche à sa femme, qui était restée au village. Il tira cet effet de quart d'heure en quart d'heure un coup de pistolet, que l'écho renvoyait à la plaine. Prudence n'avait apporté que de la poudre et des capsules. Le sable du ravin, la mousse des rochers servaient de plomb et de bourre, et le tuyau d'une pipe chassait la charge dans le canon. Nous passâmes, avançant prudemment un pied devant l'autre, au bord d'un précipice à pic de plus de 3 000 pieds de profondeur verticale. Peu s'en fallut que je n'eusse le vertige, et aucun de nous ne parlait. On entendait la respiration sortir haletant de nos poitrines. Nous poussâmes ensemble un ah de soulagement quand le mauvais pas fut franchi. Nous ne tardâmes pas ensuite à nous engager sur les flancs d'une montagne si roide que l'on pouvait à peine y rester debout. Guides et porteurs, marchands du pied, se cramponnaient de leurs jarrets d'acier à la terre et à la mousse. Mais moi, chaussé de cnémides que les Grecs d'Homère n'eussent pas désavoués, je glissais à chaque instant et manquais de rouler jusqu'au bas de l'abîme. Prudent me soutint par derrière. Boyer me saisit une main par devant et je finis ainsi l'ascension. Puis, la descente commença et après une série d'incidents de tout genre, nous arrivâmes au fond du Bras Rouge. Le minerai d'or, si pompeusement annoncé, se résumait en quelques cristaux jaunes de pyrite ou sulfure de fer perdus au milieu d'un filon argileux. L'éclat métallique et la couleur étaient tout ce qu'ils avaient de commun avec le précieux métal californien. À côté, une source minéralogique ferrugineuse avait tapissé d'une couche d'ocre rouge les parois de la montagne d'où elle s'échappait. Des blocs énormes jetés en travers du ravin témoignaient de la violence du courant à l'époque de ces pluies torrentielles que les créoles ont si bien nommées des avalaisons. La vapeur d'eau, condensée en épais nuages, nous cachait les sommets des montagnes au pied desquelles nous nous trouvions. Mais si parfois une éclaircie avait lieu, le grand Bénard ou le Piton des Neiges découvraient tout à coup leur cime déchiquetée. Elle paraissait, par une sorte d'illusion d'optique, d'une hauteur double et parfois triple de ce qu'elle était en réalité. On aurait dit les pitons les plus élevés des Andes ou bien ceux de l'Himalaya. Revenus du fond du Bras Rouge, comme jadis aîné des enfers, nous fîmes halte avant de rentrer à Sillaos, au champ des chasseurs. prudent à l'accueillir des fraises dont l'arôme me parut super fin, et Boyer parvint à dénicher au milieu des troncs d'arbres pourris quelques gros vers que nous fîmes rôtir et que nous étendîmes ensuite comme du beurre sur du pain. Lecteur, vous faites la grimace, et je la faisais aussi comme vous, mais je ne tardais pas à changer d'avis. Et si les choux palmistes de Bourbon composent un légume exquis parmi tous autres, les vers de Sylaos méritent aussi d'être appréciés des gourmets. Les anciens Romains, malgré leur plat de langue d'oiseau, les modernes Chinois, n'en déplaisent à leur nid d'hirondelles, n'ont jamais rien dégusté de plus fin.